fortune va bien changer le dos. Mon fortune va bien changer le dos. Que voulez que vous dites à Brièvement? Ainsi m'est-il, c'est bien d'accoutumance. En mes pays, qu'on me trouve en repos. En mes pays, qu'on me trouve en repos. Par moi, en mon pensée, mon clos est fait château en Espagne, en France. Outre les monts, par je m'attends d'inance. Chaque jour, j'ai plus de 1000 propos. En mes pays, comme tout mon repos, en mes pays.